Come on! To do something, few human beings. Ok, Kema MC, la bande à pas, MMSD, ça faisait un bail. Ok. Je suis l'ombre de mes propres angoisses. Et à la longue, c'est les songes que je sens croître dans les sombres recoins de mon sang-froid. Sombre et dans les baffes, on s'envoie avec cette même arme, ce même rap qui me plonge dans les contres et où j'ai foncé 100 fois. Même flagadagada. Garde la même motivation, sachant que je reste maudit de façon, je pose les mêmes mots de mille façons. Je rêve de baisse, vivre d'une passion. Je déteste l'obligation d'une dette, et puis je reste Kemal implacable. Étant petit, on me disait bonjour poule mouillée. Tu sais, tu peux toujours courir pour te nourrir. Et si je devais choisir une date pour mon décès, un vendredi 13 mai me semblerait un bon jour pour mourir. Étant donné que la vie m'attriste et que j'ai du mal à cicatriser, j'écris mes rimes par dizaines, mon ciel est gris, la zig m'a pris de fer. On prend des risques, c'est dur d'avancer sans défaite en effet. Mais de nos chutes, on se relève avec une santé de fer. On franchit les étapes jusqu'à ce que la route s'arrête. Écoute la peine quand on prie pour que la mort nous apaise. Bah ouais, mon frère, trop souvent l'échec nous guette au taquet. Donc autant qu'il m'achève, mais avant que j'ai tout à perdre. Ton dernier jour, soit tu t'en tapes, soit t'en trembles. Si je pouvais choisir le mien, j'irais pas jusqu'à 60 ans. J'attends sans impatience que la faucheuse m'agrippe. Mais je voudrais qu'elle m'emporte avant que mon existence devienne proche ma vie. J'aurais un mic en main, ma femme sous un bras. Entouré de mes collègues, je leur dirais frère, souviens-toi. Ça sera un beau jour pour finir sous un drap. J'aurais peut-être donné la vie, donc je m'en irais comme un lâche. Une flûte de champagne, un spliff de terreau. Non, ne soyez pas triste, je vous ferai croire que tout est rose. Une prod de Malo, un feat avec Wira. Une nouvelle tape d'AMI décompressé sur Winra. J'aurais rendu mes parents fiers, ça sera peut-être sous les tropiques. Pourquoi ça m'arrive à moi? Non, je vous assure, je voulais trop vivre. Ouais, c'est dépressif, limite j'écris mes funérailles. Le paradis ou l'enfer, à la terre ou brûlez-moi. Je n'ai pas de gosse, c'est pas de taf, de quoi s'en aller sans regret. La fin se rapproche, n'est pas grave, je ne serai pas mort sans refrain. Destiné à crever dans ta galère, tu fumes, tu causes, tu bois. Et tout ce que j'ai dans le ventre peut se résumer en une sirop, tu vois, une fois de plus. Une fois de plus, un beau jour pour mourir, j'ai que l'alcool pour nourrir. Et quelques soucis trop lourds pour sourire, je lâche un dernier soupir avant que se referme. Mes paupières, donc j'lève mon dernier verre, j'ai 23 ans et bientôt des poussières. Dernière bouffée d'air inhalé avant que mon cœur décroche. Aujourd'hui j'peux m'en aller, j'ai enfin vu le bonheur de mes proches. J'peux casser mes réseaux, le cercueil va macérer mes autres. De toute façon y'a pas de raison, j'vais rejoindre ma sœur et les autres. Pour la mère de mon petit, j'laisserai tout ce qu'un marécal. Et j'espère qu'au paradis, j'verrai Bob ou Barry White, même Salazar. Mais seulement si papy le caillasse, afin qu'on arrose As en compagnie d'Amy Winehouse. Je veux une mort anonyme, sans deuil à l'agonie. Je souhaite le malheur aboli à tous ceux que j'aime à la folie. Un beau jour on oublie, après la convalescence. Un bon jour pour mourir, ça s'arrose comme la naissance.